La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, quelle est la part de l'inné dans l'immunité ? Récemment, des biologistes travaillant sur les insectes ont mis au jour leur immunité innée. Plus précisément, ils ont mis en évidence l'existence de cellules responsables d'une réponse immunitaire rapide, d'une réponse ne nécessitant aucun apprentissage préalable. Cette découverte a valu à Jules Hoffmann de recevoir le prix Nobel de physiologie ou de médecine en 2012, en compagnie de Bruce Beutler et de Ralph Steinmann. Jules Hoffmann est notre invité pour cette conversation scientifique exceptionnelle. Bonjour Jules Hoffmann. Bonjour monsieur. Vous êtes prix Nobel de médecine, je l'ai dit, vous êtes également médaille d'or du CNRS. Vous êtes membre de l'Académie des sciences et de l'Académie française. Je vous remercie d'avoir fait le voyage de Strasbourg pour nous rejoindre en direct dans ce studio. C'est une joie et un honneur de vous recevoir. J'avais une première question, si vous permettez, Jules Hoffmann. Qu'est-ce que cela fait de recevoir le prix Nobel de médecine alors même qu'on n'est pas médecin? C'est une très bonne question. En fait, si vous voulez, la dénomination physiologie ou médecine, c'est Alfred Nobel qui l'a donné. Et Alfred Nobel connaissait bien les travaux de Louis Pasteur, qui n'était pas médecin, et d'autres qui ont suivi parmi ceux qui ont découvert les bases des infections n'étaient pas des médecins, c'était des chimistes ou des biologistes, des physiologistes surtout. Et l'idée de probablement de Nobel, d'Alfred Nobel, était que l'homme normal a une physiologie qui marche bien, et quand elle ne marche pas bien, ben il faut s'adresser au médecin. Donc ce sont les deux faces de la vie. Mais vous-même, vous êtes plutôt un biologiste. Moi, je suis biologiste. J'avais l'option, quand j'étais à l'âge, l'option de faire des études de biologie ou de faire de la médecine. Et j'ai opté pour les études de biologie. Qu'est-ce qui a provoqué ce choix? Est-ce que c'était le hasard ou est-ce que, par exemple, votre père, qui s'intéressait beaucoup aux insectes, a joué un rôle dans votre... Oui. Trajectoire. Oui. Mon père a joué un rôle extrêmement important dans ma vie et il m'a orienté vers la biologie. Je pense, si je peux continuer là-dessus, je pense que sans mon père, j'aurais choisi autre chose. À l'époque, je m'intéressais énormément aux langues, à la littérature et j'avais envie de mettre dans cette direction-là, mais mon père estimait qu'il allait mieux. Vous avez publié votre premier article scientifique à l'âge de 18 ans? Avec mon père. Ah bon, ça c'est un détail qui m'a échappé, mais c'était sur quoi ? Oh, c'était à l'époque qu'on faisait de la faunistique, ce qu'aujourd'hui où l'écologie est devenue prédominante dans le pays, on appelle la biodiversité. Et à l'époque, donc, on faisait la faunistique et on étudiait la répartition des criquets, notamment à commencer par les criquets ou d'autres groupes d'insectes à travers le Luxembourg, hein, publié dans les archives grand-ducales des sciences au Luxembourg. Des atlas de ski. Et puis ça a servi par la suite parce que on a pu montrer au fil des années les modifications de cette biodiversité dans certains biotopes, etc. C'est une période qui m'a beaucoup plu. Donc vous partiez avec votre père dans la nature? Absolument. Faire des observations? Absolument, on récoltait les animaux et mon père avait une ouïe tellement fine qu'il pouvait distinguer le son de tel criquet par rapport à tel autre criquet, ce que je n'arrivais pas. Et puis effectivement, on a passé quelques très belles années. J'étais étudiant, j'étais lycéen, mais puis voilà. Et vous avez quitté le Luxembourg pour faire des études supérieures? Voilà, Luxembourg n'avait pas d'université à l'époque. Il y en a une maintenant, et donc à l'époque, tous les jeunes luxembourgeois partaient à l'étranger pour faire des études. Alors soit, ce qui était le plus proche, c'était Strasbourg pour moi. Et puis... J'ai toujours eu un faible pour l'Alsace. Et vous avez toujours travaillé en Alsace? Oui, ça dépend de ce que vous appelez travailler. Je suis beaucoup parti, j'ai fait beaucoup d'études à l'extérieur, beaucoup de conférences, de stages, etc. Mais j'ai toujours été domicilié en Alsace et j'ai épousé une Alsacienne. Alors vous êtes qui travaillait avec vous? Oui, absolument, oui. Et je vais vous poser, vous êtes le troisième prix Nobel que je reçois cette année, après Serge Haroche et Claude Cohen-Tanoudji, et je vais vous poser la question que je leur ai posée également. Est-ce que vous vous attendiez à recevoir le prix Nobel? Et comment est-ce que vous avez réagi lorsque vous avez appris que vous étiez lauréat? Alors, c'est une question qu'on me pose souvent. Je m'en doute. Alors, je voudrais être tout à fait honnête. Je m'attendais pas forcément personnellement. J'avais reçu, comme vous l'avez lu, dans toute une série de prix déjà pour cette thématique. Mais on n'était pas les seuls à travailler dans ce domaine. Et donc, le comité Nobel avait le choix, à mon avis, entre 4 ou 5 candidats. Et on n'était pas sûr. Je veux dire, avec Bruce Poitras, on était très proches. Et on n'était pas sûr, on s'est dit... Bon, c'est la première réponse à cette question. Donc, et la deuxième, comment j'ai réagi? Bien, là, c'était tout à fait clair. Ma première réaction était, on a bien fait. On a fait les bons choix. Parce que c'était difficile de travailler sur les insectes dans un système quand même assez élitiste, comme notre système de recherche. On dit, mais qu'est-ce que l'insecte, c'est l'INRA. On m'a dit ça un tas de fois, mais il faut aller à l'INRA. Enfin, alors que vous étiez au CNRS. J'étais au CNRS, oui. Et donc c'était une satisfaction vraiment profonde, pas pour moi seul, mais pour tous les gens qui travaillent avec moi, qui ont pris des risques. Une anecdote, une jeune fille qui est venue dans notre laboratoire faire une thèse à un moment donné, a dit, quand elle est revenue des vacances, des vacances de Noël, a dit, quand j'ai dit à mes parents que vous aviez le prix Nobel, ils étaient soulagés. On avait tellement peur que tu te fourvoies dans les insectes et que ça ne mène à rien. Alors, donc c'était... Mais vous l'avez appris par un coup de téléphone, j'imagine? J'étais à l'époque avec ma femme, nous étions à une série, on faisait une série de conférences en Chine. Et je venais de recevoir le prix Shou, qui est le prix Nobel d'Asie, comme on dit. Chinois d'Asie, de façon plus générale. Et nous étions donc à Shanghai, et on était avec un ami chinois qui nous avait invités à dîner, et il devenait nerveux à un moment donné. J'avais pas de téléphone portable sur moi, ma femme non plus. On s'attendait pas à ce moment-là. Et puis, quelque chose arrive, il faut absolument qu'on est retourné à l'hôtel. Et puis à l'hôtel, il y avait déjà plusieurs journalistes. Et puis alors, c'est comme toujours, donc ils disaient félicitations. Et ils disaient, mais pourquoi? Mais le prix Nobel? Je dis, attendez, c'est quel domaine? Ils ne savaient pas. Alors ils ont regardé sur l'ordinateur, c'est des Australiens, prédominance. Et puis ils ont vu, c'est pour l'immunité. J'ai dit, mais qui est le... Il y a immunité adaptative, immunité innée. Et qui est le... Est-ce qu'il y a un co? Oui, c'est... Regardez à nouveau Beutler. Bon, là, j'étais rassuré. Bruce Beutler, oui. Et Ralph Steinman? Et Ralph Steinman, oui, qui est décédé avant de savoir. C'était une tragédie. Il souffrait depuis quelques années d'un cancer. Il est mort le vendredi et le comité s'est réuni le lundi suivant. Et donc, il n'a pas su. Et c'est sa femme et ses enfants qui sont venus pour la remise du prix. Alors j'ai dit en vous présentant, Jules Hoffmann, que vous apparteniez à deux académies. Oui. Celle des sciences et l'Académie française. C'est assez rare. Vous êtes combien à être dans les deux à la fois? Il y avait François Jacob. Et c'est tout? Que je sache comme biologiste, disons. Et c'est un peu à François Jacob que je dois d'être à l'Académie. Il était très mal à un moment donné, et puis lui avait plaidé auprès de la secrétaire, madame la secrétaire perpétuelle, plaidé pour que il songe à moi. Et puis quand le prix Nobel est venu, alors madame Karadankos elle m'autorise de le dire, elle m'a fait venir pour un petit déjeuner, et elle a dit, Jules Hoffmann, comme vous dites, je veux que vous veniez à l'Académie française. Alors là, je lui ai dit la fameuse phrase, je ne suis pas digne, non sum dignus intrare sub tectum tuum. Ça, c'est du latin? C'est du latin, oui, mais on parlait pas mal de latin. Vous parlez latin couramment? À un moment donné, je parlais, oui. Elle m'a dit la fameuse phrase qui me restera jusqu'à la fin de mes jours. Elle m'a dit, c'est pas à vous de décider, c'est à moi de juger. Et donc, dans laquelle des deux académies êtes-vous le plus à l'aise? Et dans laquelle avez-vous le plus plaisir à vous rendre? Bon, alors c'est une question extrêmement délicate, mais à laquelle je répondrai. Vous avez peut-être vu dans mon CV que j'étais président de l'Académie des sciences pendant un court temps, comme c'est toujours ces 2 ans, et vice-président 2 ans, président 2 ans. Et donc à l'époque, nous étions à peu près 160 académiciens en sciences. Maintenant, c'est à peu près 300. Donc ça s'est énormément, enfin ça s'est beaucoup élargi et l'ambiance est un peu différente. Alors j'ai gardé beaucoup d'amis dans l'Académie des sciences, mais alors à l'Académie française, on est en général, dans les réunions, on est 25. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, j'avais une certaine préférence quand même pour la littérature et pour les langues, pour l'histoire par rapport à la biologie. Et je me retrouve maintenant avec un certain nombre de gens de très grande qualité, en sciences aussi, mais c'est un autre profil. Et ça m'intéresse beaucoup. Je fais partie maintenant, par exemple, du jury du prix de l'histoire de l'Académie française. Et c'est des choses qui... Je retrouve un autre bonheur, et puis ce sont des gens extrêmement intéressants, aussi en Académie des sciences. Mais enfin, c'est plus restreint, vous voyez, on est entre 25 et des réunions très nombreux. Les académiciens ont une belle anagramme, vous la connaissez ? Les académiciens. Non. Ça donne la science admise. Ça a été trouvé par Olivier Garcia qui me l'a gentiment envoyé. Ça colle assez bien, non ? Oui, ça colle assez bien. Alors, quand vous avez été reçu à l'Académie française, justement, vous avez prononcé un discours, c'est la tradition. Oui. Et vous avez cité Thucydide, oui. L'historien athénien, à propos de l'épidémie de peste à Athènes au début de la guerre du Péloponnèse, en 430 avant notre ère. C'est ça. Et voilà, ce que vous rappelez dans ce discours, c'est la chose suivante, que Thucydide fait une description terrible de l'épidémie. Et il explique, je le cite, que toute science humaine est inefficace. En vain, écrit-il, on multipliait les supplications dans les temples. En vain, on avait recours aux oracles ou à de semblables pratiques. Toutes étaient inutiles et finalement, on y renonça, vaincu par le fléau. Oui. Et quelques lignes plus loin, Thucydide ajoute ces phrases cruciales. Ceux qui avaient échappé à la maladie se montraient les plus compatissants pour les mourants et les malades, car connaissant déjà le mal, ils étaient en sécurité, les rechutes n'étant pas mortelles. Est-ce que c'est l'acte fondateur de l'immunologie ? Écoutez, c'est quelque chose qui m'a beaucoup ému quand j'ai lu ça. Vous avez dit tout à l'heure que, donc, quand je préparais mon discours, je connaissais pas très bien Madame de Romilly dont j'occupais le fauteuil. Je l'avais entrevue, mais on n'était pas proches. Et alors, je me suis pendant à peu près 6 mois. J'ai acheté une cinquantaine de ses livres, j'en ai écrit, je crois, 75. J'ai lu ces 50 livres et je me suis retiré de tout le reste. Je suis rarement allé au labo et je me suis plongé dans l'univers de Jacqueline de Romilly. Et c'est là que j'ai découvert Thucydide, enfin, d'autres gens l'avaient noté avant moi. Et cette phrase est effectivement le fondement, au fond, de ce qu'on a cherché. Et j'ai dit dans un récent texte, pourquoi est-ce qu'il a fallu 2300 ans pour que l'humanité, pourtant il y avait des esprits extrêmement sharp, vifs dans l'humanité. En bon français. Pardon ? En bon français. En bon français, non, je ne devrais pas faire ça. En tant qu'académicien français, on ne devrait pas tomber dans ce travers. Mais c'est quelque chose que je n'ai pas résolu encore, en moi-même. Il y a des raisons à cela. Je pense une des raisons principales, et c'est très longtemps, c'était... Alors, il n'y a aucune attaque que je lance là, mais c'était le fait que toutes ces maladies étaient considérées comme étant d'origine divine, que c'est des punitions. Et notamment, le judéo-christianisme a fait de tous ces mal, de toutes ces souffrances, c'était une forme de rachat pour les péchés qu'on a commis. Et je pense que ça a beaucoup freiné. Mais quand même, Thucydide avait remarqué, et ses contemporains avec lui, que lorsqu'on a une maladie mortelle mais qu'on en réchappe, on est protégé de la maladie. Donc il y a une sorte d'immunité acquise par le fait d'avoir été en contact avec... Absolument. Alors avec quoi en l'occurrence c'était... Alors absolument, ça se passe encore avec le Covid aujourd'hui. Oui, bien sûr. C'est-à-dire une fois que vous avez mis votre système immunitaire en route, on en parlera peut-être... Ça veut dire qu'ils avaient compris, ou plutôt vous avez compris les mécanismes... Mécanismes, c'est notre temps qui les a commis. La science actuelle a compris au cours des 100 dernières années ce qui se passait vraiment. Mais à l'époque, ce qu'ils observaient, c'est que si vous avez eu le contact, les 3/4 des gens mouraient quand même, mais un quart arrivait à supporter une deuxième attaque. C'est une observation absolument fantastique. Tu sais, c'est un grand historien, vous le connaissez peut-être mieux que moi. Je le connais un peu, mais ouais. En vous lisant, je l'ai lu. Oui. Parce que vous avez écrit, je ne l'ai pas dit, vous avez écrit un petit livre qui s'appelle ce qui s'intitule « L'immunité innée », qui est paru aux éditions CNRS et à celle de Vive Voix, où vous expliquez votre parcours de recherche. C'est ça, oui. Et il y a cet extrait de votre discours à l'Académie française. Alors, quand on lit ce livre, on découvre un vocabulaire très très riche. En tout cas, pour un physicien, c'est un vocabulaire exotique. Il y a des mots tels que phagocytose, qui est une forme particulière d'endocytose. On parle d'ecdysone, qui est une hormone qui contrôle la mue des insectes. On parle de sécropine, de diptéricine, de drosomycine, de peptidoglycane, oui. De biocénose, de cascade protéolytique, de lipopolysaccharide, de flagelline bactérienne. Oui. J'ai un peu de mal à suivre. Non, mais laissez-moi quand même vous expliquer un tout petit peu ces livres-là. On les a écrits, tous les gens qui ont obtenu la médaille d'or du CNRS. On nous avait demandé, le CNRS, d'écrire des livres sur notre parcours. Et ça devait se tenir à un niveau scientifique pour les scientifiques. Donc, j'étais un peu obligé de le faire, mais je suis d'accord avec vous. Alors, il y a un livre qui vient de sortir de Yves Carton, qui est beaucoup plus ouvert, qui s'appelle Immunité innée également, donc il a été écrit indépendamment de moi, donc si je le recommande à vos lecteurs, à nos lecteurs, ce n'est pas pour faire une publicité pour moi, mais c'est plus facile à comprendre à ce moment-là. Oui, parce que j'ai eu un peu de mal. Hein. Vous posez des questions incroyables qui ont l'air de vous passionner. Je donne deux exemples. La question que vous posez au début du livre, c'est « Est-ce que la mouche produit une protéine transactivatrice de type NF-kappa-B comme la souris et l'homme ?» Deuxième question, « Le récepteur transmembranaire TOL impliqué dans la mise en place de l'axe dorsal ventral est-il également utilisé au cours de la réponse immunitaire de la drosophile telle que nous la mettions en évidence par injection de bactéries ?» Oui, en vous écoutant comme ça, je comprends bien, je m'excuse devant vous et tous les lecteurs, ça a été quand même revu par les autorités du CNRS, c'était ça qu'ils voulaient. Alors j'écrivais pour eux, mais c'est un petit livre, il est vite lu. Oui, hein. Oui. Alors, mais j'ai quand même compris des choses. Oui. Et j'aimerais que vous nous expliquiez cette découverte de l'immunité innée chez les insectes, qui était connue chez les mammifères depuis plus d'un siècle, je crois. Et si vous pouviez me raconter vos recherches comme si j'étais ignare, ce qui serait honorer la vérité. En biologie, je suis au niveau bac-18 à peu près. D'accord. Je voudrais juste revenir sur un point que vous avez mentionné là et vous dire que quand moi je lis ce que a écrit monsieur Haroche et tous les collègues de physique, j'ai les mêmes problèmes que vous avez en lisant de la biologie. Donc ça tient à quoi ? Ça tient peut-être en fait que nos études parallèles n'ont pas été aussi approfondies. Ça pose quand même la question du vocabulaire et de la langue. Et comme vous êtes aux deux académies qu'on vient de citer, je voulais vous justement, avant qu'on parle de l'immunité innée en détail, j'ai trouvé un texte de Lavoisier dans le traité élémentaire de chimie qui pose la question qu'on est en train de discuter. Voilà ce que dit Lavoisier. On ne peut perfectionner le langage sans perfectionner la science, ni la science sans le langage. Quelque certains que fussent les faits, quelque justes que fussent les idées qu'ils auraient fait naître, ils ne transmettraient encore que des impressions fausses si nous n'avions pas des expressions exactes pour les rendre. Et donc, est-ce que la science a besoin de faire progresser la langue ? Est-ce qu'elle peut se dire dans la langue ordinaire au moyen d'un travail critique ? Ou est-ce qu'elle doit inventer son idiome ? Non, vous savez, ce que j'ai écrit là en 40 pages, si je l'avais écrit de façon à ce que tout le monde le comprenne, ça aurait mis 300 pages. Hein. NF-kappa-B, d'ailleurs j'explique NF-kappa-B à un moment donné, oui. Ne m'accusez pas trop. Donc NF-kappa-B, c'est une abréviation qui permet pour les gens... C'est pas les gens qui vont lire ceci, qui permet d'aller un peu plus vite. Mais je suis d'accord avec vous, il y a un problème. Ça vaut pour la science, ça vaut aussi pour l'art, ça vaut pour la philosophie. Barbara Cassin, qui est une nouvelle que nous avons reçue. Oui. Oui, alors Barbara Cassin, quand je lis ses livres, je survole, des fois je ne suis pas sûr de bien comprendre ce qu'elle veut dire. Et donc vous vous trouvez malheureusement devant le même... Donc vous voulez dire que le problème de traduction est universel en fait, Je pense que, et c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles l'Académie française a toujours eu deux ou trois scientifiques pour justement expliquer les termes aux confrères. Alors venons-en, si vous voulez bien. À l'immunité innée, oui. Au sujet, à l'immunité innée. Qu'est-ce qu'on savait à ce propos quand vous avez commencé votre carrière de chercheur? Pourquoi est-ce que vous avez choisi les criquets? Alors le rôle du père est assez évident, mais le sujet de recherche proprement dit, en quoi les criquets étaient intéressants? Alors les criquets ne l'étaient pas. Alors on les a abandonnés pour cette raison. Non mais comme j'ai écrit dans ce texte, si vous voulez, quand mon patron, le professeur Pierre Joly de Strasbourg, m'a proposé de faire une thèse dans son laboratoire. Il m'a dit, lui était un physiologiste, hein, et il faisait de la physiologie endocrine, des hormones, en disséquant les criquets. Il travaillait sur les criquets, et il a dit, donc j'ai fait ça pendant 30 ans, sans jamais, donc on pouvait planter un cerveau d'un criquet à un autre. Bon, celui, le donneur mourait, mais l'autre survivait. Il dit, on n'a jamais pris de précaution d'asepsie, et il n'y a jamais eu d'infection. Donc, les criquets doivent avoir une réponse immunitaire importante. Et ça, ce n'était pas, à l'époque, ce n'était pas clairement compris. Il y avait deux choses qui nous ont conduit dans la direction. Premièrement, on a pu trouver, d'autres l'ont trouvé également en parallèle, que les insectes sont très résistants aux infections. Bon, alors, le mécanisme n'était pas connu. On ne savait pas comment. Bon, alors, d'autre part, les insectes transmettent des maladies. Il y a à peu près un milliard d'êtres humains qui, tout le temps, en ce moment, sur Terre, souffrent de ces transmissions, sans en mourir. Il y a peut-être de l'ordre de 10 millions de personnes qui meurent tous les ans. Et eux transmettent, mais sans vraiment être... Donc, ces individus ne sont pas vraiment affectés. Alors, l'autre chose, les insectes représentent 85% des espèces animales, 80-85% des espèces animales sur Terre. Mmh. Donc, par la pollinisation, joue un rôle extrêmement important. Ils sont ambivalents parce qu'ils amènent des virus, des tas d'agents pathogènes. Absolument. Et en même temps, ils permettent pollinisation. Absolument. On va chercher l'explication chez Thucydide, je ne sais pas, dans les temples. Et alors, à ce moment-là, donc, on s'était dit, ça, il y a un mécanisme de défense, est très important, le groupe est important, on ne connaît pas les mécanismes. Et donc, si vous êtes biologiste ou chimiste, physicien, ce qui vous fascine, ce sont les mécanismes sous-jacents. Et alors, on s'est lancé là-dedans. Et puis, alors, en deux mots, je ne veux pas en parler trop longtemps, en deux mots, mon sujet de thèse, c'était donc... trouver le mécanisme. On a commencé, on a trouvé que les cellules sanguines jouaient un rôle important. Ça, c'était connu chez les insectes et aussi depuis Metchnikoff chez l'homme, mais on n'avait pas pu, de façon précise, montrer l'importance relative de cette branche de l'immunité innée. Alors, j'ai à ce moment-là, comme je l'écris j'ai à ce moment-là pu faire des irradiations sélectives du tissu. D'abord, il fallait trouver le tissu hématopoïétique. Des irradiations avec des rayons X. Voilà, c'est ça, oui. Alors, par chance, on avait encore ça datait d'Étienne Wolff, qui après la guerre était professeur à Strasbourg, dans l'Institut de zoologie où j'étais. On avait gardé un équipement d'irradiation qui ont permis des irradiations sélectives, et là, les résultats étaient assez spectaculaires. Donc les criquets dont on avait irradié le tissu hématopoïétique développaient immédiatement, spontanément des infections, parce qu'ils étaient bourrés eux-mêmes, normalement, de microbes qu'ils gardaient sous contrôle. Est-ce que ça veut dire que leur immunité venait des cellules sanguines en question? C'était la question qu'on posait à ce moment-là. Et donc, la réponse? La réponse, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ça ne m'étonne pas. Autrement, on n'aurait pas eu le prix Nobel avec Beutler là-dessus. Donc, c'était beaucoup plus simple. Alors, en fait, on a vu qu'il y avait, en plus de ces cellules sanguines, il y avait également une branche, si vous voulez, humorale, soluble, et qui avait déjà été pressentie par un français à Lyon, qui travaillait à Lyon, qui s'appelait Payot, et qui est mort très jeune. Enfin, je dis très jeune, à 55 ans, mais pour moi c'est jeune, très jeune. Et donc on s'est lancé dans l'analyse de ces questions-là. Quelle est la partie humorale circulante en plus des cellules sanguines? Et c'est là qu'on a, alors, avec tous ces termes que vous avez cités, là on a réussi à trouver des substances des substances induites qui sont des peptides antimicrobiens. Et ça a été trouvé en parallèle avec un Suédois du nom de Hans Baumann, qui est décédé il y a une quinzaine d'années, qui avait trouvé la sécropine que vous venez de citer, et nous la diptéricine. Ça, c'est le travail de ma femme et de Jean-Luc Dimarc au laboratoire. Et puis à ce moment-là, à partir du moment où on avait ces molécules induites, nous ont servi alors de, est-ce que je peux utiliser une deuxième fois le mot anglais read out, c'est-à-dire en fait la façon de dire oui ou non ça marche. Et donc ces molécules, donc on piquait les drosophiles, à ce moment-là on ne travaille plus que sur la drosophile, et on regardait s'il y avait induction ou non par tel pathogène ou tel autre de ces substances. Et c'est ça qui nous a permis d'arriver à comprendre. Ben, avant de parler de la drosophile, revenons encore un peu sur le cricket. Oui. J'ai compris en vous disant qu'il y a deux phases. Il y a une phase où le cricket est solitaire, oui. Et puis il devient, dans une seconde phase, il est d'un tempérament grégaire et, oui, oui, oui. Et se comporte d'une façon ravageuse. Oui, absolument. Et qu'est-ce qui déclenche ce changement de comportement? Alors, ça, ce sont des hormones, hein. Ce sont des neurohormones qui sont produites dans le cerveau. Donc le criquet reconnaît à un moment donné qu'il y a beaucoup de phéromones qui sont produites par les congénères. Et à ce moment-là, ça déclenche le phénomène migratoire, qui est encore très important. En ce moment, vous avez peut-être vu l'année passée, il y avait énormément de dégâts en Éthiopie, notamment en Érythrée, au Soudan. Et donc énormément de... C'est encore des plaies considérables. Et alors, là, vous avez parfaitement raison de dire pourquoi je me suis mis à l'ecdysone à un moment donné. C'est parce que quand je faisais cette irradiation du tissu hématopoïétique, pour des raisons inconnues à l'époque et qu'on connaît toujours pas bien, le cycle de mu du criquet était perturbé. Et alors là, il y a 5 mu pour le criquet. 5 mu pour le criquet. On en a trouvé ensuite 4 chez l'embryon. C'est assez compliqué, assez complexe, disons. Compliqué non, mais complexe. Et c'est à ce moment-là que mon patron, qui était encore en activité, donc m'a dit, écoutez, cet aspect du contrôle hormonal de la mu rentre plus dans mes intérêts propres, alors je demanderai au prochain étudiant que je vous donnerai de se mettre sur la partie immunitaire. Et moi, je me suis mis sur la partie ecdysone à ce moment-là. Et la partie immunitaire, c'est ma femme qui a pris ça comme sujet de thèse. Et la partie ecdysone, je suis allé à Marbourg en post-doc chez Peter Carlson pendant 2 ans de façon intermittente. Et ça m'a permis vraiment de m'impliquer beaucoup plus en biochimie que je n'avais fait avant. Alors, comme vous le savez, Jules Hoffmann, dans cette émission, on passe un morceau de musique choisi par l'invité. Et vous avez choisi, vous, le quintet avec clarinette en la majeur de Mozart. Nous allons l'écouter et ensuite, vous nous direz les raisons de votre choix. Volontiers. Thank you. Nature, la conversation scientifique, Étienne Klein. Jules Hoffmann, vous avez choisi donc ce quintet avec clarinette en la majeure de Mozart, interprété par le groupe de David Schriffin, Emerson String Quartet. Moi, je m'attendais à ce que vous proposiez un chant grégorien. J'avais vu que vous étiez un grand amateur. C'est vrai. Écoutez, la raison est un peu naïve, un peu sentimentale. La première fois, donc, les lauréats du prix Nobel se réunissent tous les ans à Lindau et au mois de fin de mois de juin. Et la première fois que je suis allé avec Paul Spoetler, nous sommes rentrés, et par le pur hasard des choses, on était les premiers à rentrer dans la salle où il y avait 600 jeunes qui applaudissaient, et j'étais très ému. C'est un aspect dont on n'a pas parlé, mais il y a beaucoup d'émotions dans ces prix, et j'étais très ému, et alors ils jouaient ce grave. Et puis chaque fois que je l'entends, et chaque fois que je l'écoute, je me remémore, et dans les moments où j'ai un peu le cafard, je le fais jouer, je le joue, et ça me remonte le moral. On peut aimer les insectes et avoir le cafard. Ah, ça c'est bon ça. Ah tiens, à propos, j'ai un anagramme qui m'a été suggéré par Olivier Garcia, toujours lui. L'anagramme de l'immunité des insectes, qui est votre sujet. Oui. Vous savez ce que ça donne? Ça donne les musiciens méditent. Ah, ça c'est bien ça. Ça tombe bien là. Ça tombe bien. Ça tombe bien. Alors revenons à la drosophile. Vous êtes passé donc du cricket à la drosophile. Oui, pourquoi cricket, écoutez, mais ça aussi nous avions. Bon, je l'ai expliqué, c'est un peu compliqué en soi, mais nous nous sommes rendus compte à la fin des années 80 que nous ne pouvions pas aller au fond des questions que nous posions sur le modèle criquet. Le génome n'était pas connu, il n'y avait pas d'outils pour faire de la transgénèse, etc. Et vous savez, c'est un mot, une phrase que j'aime bien citer, c'est que, en fait, je commencerai par une anecdote. J'étais à Dublin à une conférence il y a peut-être 7 ou 8 ans où il y avait Jim Watson. Et on a déjeuné avec Luke O'Neill, c'est un groupe de 5 ou 6 personnes, et Luke O'Neill m'a présenté en disant, voilà, Jules Hoffmann, il y a eu le prix Nobel sur... Alors Jim Watson, qui est un type assez amusant, etc., dit, peu importe sur quoi, il y a un seul prix Nobel qui compte, c'est le mien. Et il a dit sur un ton qui était plutôt sympathique, je dirais. Et je n'ai pas été ni choqué, ni interloqué. Et puis à ce moment-là, je voulais dire, il a pas tort. C'était vraiment, je crois, la découverte de la structure de l'ADN, ça a changé la biologie. Pas au niveau des concepts. Beaucoup de ces questions qu'on aborde aujourd'hui étaient posées déjà pour nos ancêtres, mais on n'avait pas les moyens de les aborder expérimentalement. Vous avez, dans ce fameux livre que vous citez, là, vous avez vu l'immunité innée, écrit oui, par vous-même. Oui. Sur instruction du CNRS. J'ai compris. Donc, si vous voulez, on ne pouvait pas aborder. Il n'y avait pas de biochimie vraiment à l'époque. Et de la biochimie à l'ADN, c'était encore tout un pas. Et maintenant, c'est une période... C'est un message aussi que j'aimerais pour les jeunes. C'est une période fantastique pour la biologie. Les questions posées depuis 2 siècles, ou dans le cas de Thucydide, depuis 2300 ans, ces questions, on a des moyens précis pour les aborder aujourd'hui. C'est évidemment très complexe. Mais par exemple, si vous avez parlé tout à l'heure de l'irradiation par des rayons X, si aujourd'hui vous aviez cette recherche à faire, avec les moyens d'aujourd'hui, est-ce qu'elle aurait été beaucoup plus rapide que celle que vous avez menée? Alors, expliquez-moi un peu comment la question, du point de vue technique. Du point de vue technique, on a beaucoup progressé. Oui. Et si vous aviez eu, dès le départ, les moyens techniques qu'on a aujourd'hui à notre disposition, est-ce que le temps de votre recherche aurait été accéléré? Certainement, pas seulement pour moi, mais pour l'ensemble de la communauté des biologistes. Et ce n'est pas, peut-être on a, le mot technique est un peu mal utilisé ici par une connotation qui n'est pas... En fait, c'est à la fois les concepts qui sont en résulté du séquençage, de la structure de l'ADN, et etc. C'est tout ça, et les concepts et les techniques. Donc, on pouvait les deux aller la main dans la main, et c'était une révolution. Et je suis heureux d'avoir pu vivre cette période-là et d'avoir... Et ça continue d'une façon phénoménale actuellement. Vous savez, aujourd'hui, on peut séquencer l'expression de gènes au niveau d'une seule cellule. Et alors, c'est des choses qui sont inimaginables. Donc, si vous étiez jeune, vous referiez de la biologie? Absolument, maintenant, sans hésiter. Et je conseille à tous les jeunes de se laisser attirer par les possibilités des sciences du vivant. Revenons à l'histoire, si vous voulez bien, Jules Hoffmann. Vous avez organisé à Versailles en 1993 le premier colloque avec d'autres chercheurs, le premier colloque consacré à l'immunité innée. Oui. Et ça allait, j'ai l'impression, en vous lisant, que ça a été un moment très important. C'était très important parce que je vous explique encore. On savait beaucoup de choses sur l'immunité adaptative à l'époque. C'était la grande période des anticorps. Vous pouvez rappeler ce que c'est? L'immunité adaptative, c'est l'immunité dont on parle tous les jours maintenant. Avec la vaccination. Avec la vaccination. La vaccination requiert l'immunité adaptative. Donc, c'est-à-dire celle qui fait que les lymphocytes se souviennent d'une première agression et vont beaucoup plus vite répondre cette fois-ci. Et donc ça, on le savait. Mais on connaissait aussi la phagocytose. Phagocytose veut dire avaler. Bon, manger. Manger. Voilà. Donc, il y avait d'un côté l'immunité innée, qui était simplement considérée comme non spécifique, comme étant en place chez tous les groupes zoologiques, et qui était une première ligne de défense. Et ensuite, la chose noble, c'était l'immunité adaptative, parce que l'immunité adaptative, qui mettait en route, donc, comme on vient de le dire, les anticorps, et qui permettait la mémoire. Alors, on savait, et c'était là l'aspect crucial de cette période, vraiment crucial, on soupçonnait que l'immunité innée allait donner un signal à l'immunité adaptative. Qu'elle se parlait. Qu'elle se parlait, qu'il y avait un dialogue. Que c'était en fait... et ça, c'était quand je suis rentré, moi, dans tous ces travaux. Personne ne le savait. Personne... On soupçonnait. C'est Janeway, l'américain Janeway, qui a le premier proposé, il parlait de l'asymptote, une publication parlait de l'asymptote de l'immunité. Il disait, on est arrivé au bout de l'immunité. Sauf, on ne sait pas encore si les deux se parlent. Oui. Et alors là, c'est justement chez la drosophile qu'on a le plus proprement, le plus rapidement, le plus finement pu montrer, nous, avec également l'intervention d'autres gens. Je ne suis pas un impérialiste du tout dans ces questions-là. Ça, on en parlera peut-être dans un instant. Il y a toujours, c'est toujours des équipes et dans différents endroits, et puis ça correspond. Et là, justement, pour que ça corresponde, pour que les gens correspondent, et j'avais organisé ce colloque parce que j'avais reçu de l'argent de Roussel Uclave, qui n'existe plus aujourd'hui. Et donc, et ça a été vraiment une espèce de... J'ai honte de réutiliser une troisième fois un mot anglais, un watershed. Comment on va dire en français, en bon français, une rupture. Ça a coupé l'histoire en deux. Oui, voilà. Une césure. Une césure, oui. C'est-à-dire que... où vraiment, on a commencé à comprendre qu'en fait, les deux... Communique. Et maintenant, ce sera peut-être la question à laquelle on viendra peut-être. Quelle est l'importance relative de ces choses? Alors, c'est la question, c'est le titre de l'émission. Hein. Quelle est la part de l'inné dans l'immunité? Bon! Ça, je ne le savais pas. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, je l'ai cité en introduction. Ah oui. Alors, quelle est la part de l'inné dans l'immunité? Quelle est la part de l'immunité adaptative? Bon, alors, pour répondre d'une façon d'abord simple, qui donne un signal à nos auditeurs, 95% des animaux sur Terre et toutes les plantes ne se défendent vis-à-vis des micro-organismes que par l'immunité innée. L'immunité adaptative est apparue, on estime, vers 450 millions d'années avant notre... Bien avant Thucydide. Oui, bien avant. Et alors, l'immunité adaptative est apparue chez des poissons cartilagineux, c'est ce qu'on pense. Et les mécanismes ont fasciné les immunologistes à l'époque. C'est pour ça que tout le monde travaillait sur les anticorps, etc. Et puis, il y a l'immunité adaptative. Il n'y a pas que... Il y a deux... Je peux vous dire ça. Enfin, je peux le citer ici. Il y a deux branches dans l'immunité adaptative. C'est la production des anticorps et les cellules, les lymphocytes cytotoxiques, qui tuent les cellules infectées par le Covid, vont être tuées par les lymphocytes cytotoxiques, donc T, mais qui doivent arriver à les reconnaître. Et donc, il y a eu une reconnaissance avant. Et cette reconnaissance, très souvent, est médiée par la immunité innée. Donc, ça a changé complètement notre vision. En peu d'années, et là, il y a beaucoup de gens impliqués là-dedans, bien entendu. Mais en fait, notre rôle a été reconnu par ce que vous avez dit. Alors, vous rendez hommage dans le livre à Madame Le Doirin, qui vous a aidé dans Madame Le Doirin, c'est certainement une des personnes en France à qui je dois le plus. au niveau scientifique. Je l'ai connu dans la période où nous travaillons aussi sur les embryons, donc c'est, etc. Elle m'a vraiment pris un peu à l'époque sous sa protection et elle était, au départ, elle était zoologiste elle aussi. Elle était enseignante à Nantes à un moment donné et elle était très sensible à la zoologie. Et donc, elle m'a soutenu dans la démarche et à un moment délicat, notamment, où le CNRS, c'est vraiment le directeur scientifique de l'époque, s'est vraiment posé la question, est-ce qu'on va continuer là-dedans? Ce que vous faites sur Lake Dizon, c'est tellement beau, etc. Est-ce que ça vaut la peine? Et c'est là que, je me souviens de la phrase qui m'a marqué pour des années. Elle m'a dit, mais laissez Jules faire, ils trouveront des choses intéressantes. Mais c'était de la recherche très fondamentale, mais est-ce qu'il n'y avait pas l'espoir que derrière, il y aurait des applications thérapeutiques, par exemple? Bien entendu, on peut toujours. Entendons-nous, la recherche fondamentale, c'est la première étape. Et selon les résultats de cette recherche fondamentale... Qu'on ne peut pas prévoir par définition. Voilà, absolument. Vous ou d'autres vont faire des applications, vont essayer de faire des applications. Mais la recherche fondamentale, vous faites bien de le dire. Et c'est très important de le garder en mémoire. On ne sait pas ce que ça va donner. Parce que si on savait ce que ça va donner, ce n'est plus la recherche fondamentale. C'est un projet. C'est un projet, oui. Et ça, et là, j'ai des fois des inquiétudes dans tous les pays. Je voyage beaucoup, comme vous l'avez vu, des inquiétudes, si vraiment c'est dans les cabinets ministériels qu'on définit les programmes par biais de tel ou tel organisme interne, je ne pense pas que quelqu'un aurait jamais dit favorisons un groupe à Strasbourg qui travaille sur l'immunité innée du criquet. Le message était codé, mais il est passé quand même. Alors vous avez fait, vous le racontez, vous avez fait des expériences de transgénèse. En quoi est-ce qu'elles ont consisté? Quel était leur but? Et vous dites qu'elles sont tombées, malheureusement, en pleine crise anti-transgénèse. Oui, alors, permettez-moi juste de préciser. Donc, nous avons voulu faire de l'application. Des résultats qu'on avait trouvés, les peptides antimicrobiens, étaient donc actifs sur beaucoup de germes. Et alors, des applications médicales. Médicales, oui. Et pour les plantes aussi. Donc, ce que nous pensions, c'est qu'on pourrait disposer, comme il y avait un problème de manque d'antibiotiques, de résistance aux antibiotiques, qui existe toujours. Et donc, on avait pensé qu'on pourrait voir s'il y avait des potentialités d'utiliser en masse ces peptides. Alors, on a été soutenu initialement par Ron Poulenc dans cette démarche. Et le CNRS a... Bon, à l'époque, le CNRS n'était pas très favorable à ce genre de transfert. Mais ils ont quand même pris le brevet pour les molécules qu'on avait découvertes, mais toujours de façon en traînant un peu les pieds. Aujourd'hui, ça a complètement changé. Aujourd'hui, c'est l'innovation. Même à ce niveau-là, les choses changent et très rapidement, fondamentalement. Et donc nous avons lancé une entreprise, c'était surtout Jean-Luc Dimarc qui a été formidable là-dedans. À un moment donné, on avait une quarantaine de personnes qui travaillaient dans cette entreprise qu'on avait appelée Antomed. Mais il s'est avéré quand même au bout de 4 années que ces molécules, il fallait des quantités trop importantes. Et au plan chimique, on a réussi, Charles Etru au laboratoire les a synthétisées, certaines, mais c'était très compliqué, très long. Et puis à ce moment-là, les gens qui finançaient, qui étaient un grand groupe international, ont dit ce sera pas, on n'y arrivera pas. Mais si vous arrivez, même si vous arrivez, oui. Les maires ne vont jamais accepter qu'on injecte en France, en Angleterre, qu'on injecte donc ils ont un arrêté produit le... qui a été fait par voilà. Transgénèse. Oui. Ils ont et c'est ça arrêté qui a... de financer l'opération. Oui, c'est ça. Heureusement, dans une situation, bon, le financement était bon et donc les 40 personnes qui étaient là ont donc été licenciées, mais dans des conditions qu'ils ont tous retrouvées dans le sillon rhénan. Mais vous êtes un optimiste parce que vous posez la question dans votre livre « Fût-ce un échec ?» Oui. Et vous répondez d'une certaine façon « Oui, bien sûr, cela étant, comme le disait Ovid, et là c'est du latin, « Necte paeniteat duros subisse labores oui. », ce qu'on peut traduire par « Il ne faut jamais regretter d'avoir fait de durs efforts ». C'est vrai. Et chacun de ces efforts, même ceux qui n'ont pas abouti, que nous citons autant que ceux qui ont abouti, ont servi à la formation de nos chercheurs, à ma formation, à moi. Hein. Parce que n'oubliez pas que quand je suis venu de Luxembourg, je ne connaissais rien dans toutes ces histoires. Ça n'existait même pas à l'époque, ces techniques. Ouais. J'ai une autre question, Jules Hoffmann. Est-ce qu'on comprend d'où vient que certaines personnes ne sont jamais malades ? Alors, certaines personnes ont une immunité d'une efficacité absolue. Oui, je ne sais pas si c'est massivement le cas, mais il y a effectivement, dans le cas du Covid par exemple, Jean-Laurent Casanova a montré que si vous avez des problèmes de l'interféron, vous avez beaucoup de risques d'être malade. Et l'inverse, on pensait l'inverse était vrai, qu'on pourrait augmenter la production d'interféron. Donc il y a un élément génétique dans tous ces aspects, c'est clair. Mais alors de là à dire qu'il y a, je ne sais pas si... s'il y a beaucoup de cas où on peut directement incriminer l'immunité naturelle. Mais d'un autre côté, ce que je dis souvent quand les conférences auprès de jeunes, je vous inclus là, c'est que quand vous faites un voyage au Japon, par exemple, vous rencontrez, vous serrez les mains, vous embrassez peut-être même, et donc vous rencontrez tant de virus que votre corps normalement ne connaît pas, tant de bactéries, tant de champignons aussi. Et ensuite, vous revenez, vous n'avez rien. Et normalement, on n'a rien. Je ne sais pas le nombre de fois que je suis allé en Asie et je n'ai rien. Donc, c'est parce que notre corps, notre immunité innée était extrêmement efficace. Extrêmement efficace. Mais alors, il arrive des moments où ça foire, où ça ne marche plus bien. Et puis là... Et surtout, est-ce que ça va durer? Parce que j'ai cru comprendre qu'il a été établi de façon sûre qu'il y a un lien entre dégradation de la biodiversité et apparition de maladies émergentes. Donc, est-ce qu'on est sûr que ces défenses immunitaires vont continuer à être efficaces si de nouveaux agents pathogènes apparaissent ? Bon, c'est évidemment une question essentielle. Mais je ne pense pas, la biodiversité, je ne pense pas qu'au point où elle est, qu'elle risque de disparaître comme ça. Mais il est clair qu'il faut qu'on s'attende à de nouvelles zoonoses de ce type-là. Mais la question que vous posez est importante. Est-ce que c'est... Parce que il y avait des gens à Wuhan ou où vous voulez, qui étaient plus sensibles et qui ont à ce moment-là attrapé ou alors. Ou est-ce que c'est-à-dire que la réponse immunitaire était pas suffisamment efficace, ou est-ce que ce sont des agents tout à fait nouveaux qu'on n'a pas encore rencontrés? Je plaide plutôt pour le fait que les agents étaient c'est binaire à nouveau, que c'est-à-dire les agents était nouveau, et les gens sur lesquels c'est tombé étaient d'une façon pas immunodéficiente, mais étaient moins bien préparés. Et donc il faut absolument maintenant, mais ça beaucoup de gens le font et réfléchissent dans ce sens-là. Vous savez, on a maintenant un outil formidable pour les vaccins, c'est les vaccins à messager ARN. Et plusieurs équipes, Pfizer l'a écrit récemment dans une interview aux Échos, ils préparent déjà, on peut imaginer maintenant des systèmes beaucoup plus larges, où il ne faut pas un anticorps spécifique, ou des anticorps, une pléthore d'anticorps et qui permettent de reconnaître. Je pense qu'il faut, premièrement, davantage connaître le virome dans les groupes où, comme les chauves-souris, dans les groupes où effectivement le virome est bien supporté par les chauves-souris, hein, pour des raisons qui sont pas très bien comprises non plus. Enfin, moins bien par l'homme. Pardon ? Moins bien par l'homme. Moins bien par l'homme, oui. Mais est-ce que cette crise du Covid et tout cet effort de recherche qu'elle a déclenché vous ont appris des choses à vous-même dans votre propre discipline ? Oui, certainement. Bon, alors, comme vous savez, je ne suis pas médecin, je n'ai pas travaillé dans ce domaine. Mais par contre, j'ai suivi de très près. Effectivement, je pense que jamais dans l'histoire de l'humanité... Il y a eu un tel effort, en nombre de publications... Jamais, et avec des techniques ultra-modernes, ce qui n'existait pas il y a encore 10 ans. Donc, on est dans une situation maintenant où on a de fortes chances de comprendre, au fond, ce qui n'a pas marché, et comment on pourrait se préparer à d'autres zoonoses qui vont indiscutablement apparaître. Alors, vous avez été vacciné, j'imagine ? Oui. Et Est-ce que vous êtes vacciné comme tout le monde, c'est-à-dire vous avez l'injection et puis ou bien est-ce que votre profession, le fait que vous connaissiez tous ces mécanismes de façon très précise, fait que vous vivez le vaccin pénétrant dans votre corps en imaginant toutes les étapes qui vont se produire jusqu'à la fabrication d'anticorps? Non, je suis j'ai été vacciné comme tout le monde, enfin pas presque tout le monde, donc sans aucune réticence, et parce que je sais c'est notre seule façon, hein, ça j'aime bien le dire souvent quand j'ai l'occasion, c'est notre seule façon de nous sortir de cette crise, c'est que tout le monde soit vacciné. Mais ma question vient du fait que il semblerait que être pour la vaccination ou contre se fasse sans qu'on ait besoin de connaître de quoi il s'agit dans l'un ou l'autre cas. Oui, alors que vous connaissez exactement le mécanisme. Exactement, non, on ne connaît pas exactement encore. Parce qu'il y a tant de, il faut bien le dire, il y a tant d'interférences qui viennent. Il y a une dépendance de l'âge, il y a une dépendance de l'état de santé, une dépendance génétique de la personne qui est agressée. Et puis il y a ensuite la réponse immunitaire, comment ça fait, ça fait un nombre de paramètres très importants. Et qu'on ne peut pas facilement étudier, pas aussi facilement que chez la drosophile. Pour quelle raison? Mais parce qu'on ne peut pas expérimenter sur l'homme comme on peut expérimenter chez la drosophile quand nous posions la question, pardon, est-ce que cette molécule va permettre une protection contre les champignons? Nous prenions 1000 drosophiles ou 500 et nous comptions les morts, etc. Et ça, pour des raisons éthiques, bien entendu, on ne peut pas le faire de la même façon. Donc c'est, il y a encore beaucoup de choses à connaître et je pense que, mais je suis convaincu qu'on y arrivera. Mais simplement, si on en reste aux travaux qui vous ont valu le prix Nobel en 2012, est-ce qu'il y a des applications qu'on peut envisager thérapeutiques qui permettent d'augmenter l'immunité? Oui, écoutez, elle est presque trop belle la question parce que vous avez dit vous-même tout à l'heure, c'est l'immunité innée qui est la première réponse significative et celle-là dépend des récepteurs Toll. Toll. Oui, Toll, le TLR3 dans les endosomes que vous avez mentionné tout à l'heure. Et je les ai cités, mais sans les définir. Non, ce sera un peu long pour les définir. Non, je veux dire par là, c'est effectivement les résultats qu'on a obtenus dans la communauté. Ces résultats ont permis de comprendre comment, et vous n'êtes peut-être pas posé la question, on ne pose pas souvent la question, pourquoi le messager ARN est tellement efficace. Et dans le cas de celui de AstraZeneca, on met des adjuvants. Et pourquoi pas dans ce cas? Mais c'est parce que justement, l'ARN messager, quand on l'injecte ou quand il rentre dans la cellule par les particules, nanoparticules lipidiques, il produit de l'ARN double brin, qui est considéré par les récepteurs TLR3 comme un danger contre lequel il faut se battre. Donc, tout le système immunitaire inné est mis en route et tout de suite le système adaptatif suit. Et qui a eu l'idée justement de ces vaccins ARN messager? C'est une longue histoire, j'ai compris. Ben, c'est une longue histoire parce que initialement, l'ARN messager est difficile à manipuler. Contrairement à l'ADN, l'ADN est double brin, donc il est beaucoup plus résistant. Et puis, il y a des systèmes de réparation beaucoup plus mieux connus, plus établis. Alors, c'est des gens qui ont essayé de... Des gens, ils sont connus, c'est Cathy Carico et Weissman. Et ce qui a été vraiment l'aspect à nouveau watershed ou rupture, c'était premièrement, quand ils travaillaient sur ces ARN, ils avaient toujours une immunogénicité, c'est-à-dire ils avaient toujours, ils pouvaient pas l'injecter sans qu'il y ait une réaction de défense. Et ensuite, ils ont fait des modifications de cet ARN, notamment des dérivations de l'ARN. On a remplacé de l'uridine vers la pseudouridine, peu importe, ce sont des modifications. Et puis, ce qu'on appelle des coiffes sur l'ARN. Et ça, ce sont deux ou trois chercheurs aux États-Unis, et puis après, elle est retournée en Allemagne, Madame Carico, et puis d'autres... des chercheurs chez Moderna et autres des chercheurs chez BioNTech ont continué dans cette voie-là. Et maintenant, on a vraiment né au stade où ça a complètement changé la perception de faire des anticorps, de faire des vaccins et aussi beaucoup d'autres choses. Parce que l'idée initiale était de trouver des anticorps contre les cellules cancéreuses. Et puis, vous savez qu'il y a une immunothérapie qui se développe de façon assez spectaculaire, mais avec toujours un certain nombre de caveat, je peux dire. C'est latin. Et... Ah, le latin, vous le parlez décidément couramment. J'ai une dernière question, Jules Hoffmann. Votre laboratoire, il ressemble à quoi? Et en quoi est-il si différent de celui que vous avez connu à vos débuts? Ben, l'équipement est différent. C'est-à-dire que tout ce dont on parle là maintenant se fait par des pipettes, dans des petits flacons. Et on a les élevages de drosophiles, bien entendu, et des injections à des drosophiles. Et on travaille aussi, ce qu'on n'a pas mentionné, sur les moustiques. Parce que des problèmes semblables se posent pour les moustiques. Et là, il y a le grand problème de la transmission, du parasite, etc. Donc, toutes des choses fascinantes. Et puis, le CNRS et l'université, etc., nous ont construit un insectarium à la suite du prix que vous mentionnez. Et donc, il y en a pour une centaine d'années encore que je ne vivrai plus, sans doute. Mais... Sans doute. Vous êtes vraiment optimiste. Ouais. En tout cas, c'était un plaisir de vous recevoir, Jules Hoffmann. C'est un plaisir d'être avec vous. J'aurais encore beaucoup de questions à vous poser, mais je vous remercie vraiment d'avoir fait le voyage de Strasbourg, d'être venu ici nous parler en direct. Et je vous laisse un peu de temps parce que vous m'avez demandé quelques secondes, même minutes, pour adresser des remerciements à je ne sais pas qui d'ailleurs. Mais vous allez savoir. Non, je voudrais d'abord dire, de façon sans pathétisme, je veux dire, je dois beaucoup à la France, parce que au Luxembourg, j'aurais pas pu faire ce que j'ai fait ici, et je dois beaucoup au CNRS. CNRS est souvent vilipendé, souvent critiqué, etc. Tout organisme peut être critiqué, etc. Mais ce que le CNRS que j'ai connu, avec lequel j'ai grandi, m'a permis de faire, c'était exceptionnel. Sans jamais que je sois obligé de me remettre en question. D'autre part, comme vous le savez, comme je le dis tout le temps, il n'y a plus la recherche comme du temps de nos grands anciens du 19e siècle, où une personne fait tout, comme Metchnikoff, etc. Et pour la phagocytose, c'est lui qui a... Il a le prix Nobel comme vous, en 1908. Oui, en 1908, il n'était pas content, parce qu'il a dû le partager avec Ehrlich, qui avait trouvé l'immunité adaptative. Mais j'ai appris que son urne funéraire était dans la bibliothèque de l'Institut Pasteur. Oui. Bon, alors, donc pour terminer, je dois énormément, d'ailleurs je le dis très clairement dans le petit livre, je dois beaucoup, c'est un travail d'équipe, c'est une grande équipe, on était toujours autour de 50 dans les dernières années, 50 personnes, alors en incluant tout le monde jusqu'à là. Donc ça, je voudrais aussi remercier tous ces gens-là et leur redire toute mon amitié, tout mon respect pour ce qu'ils ont contribué. Et j'aimerais aussi, si vous permettez, remercier mon épouse qui a joué un rôle très important pendant nous lui transmettrons. Merci, voilà. Jules Hoffmann. Vraiment, merci d'être venu. Et je recommande la lecture de votre petit livre dans lequel on apprend beaucoup de choses. L'immunité innée, Paris aux éditions du CNRS et aux éditions de Vive Voix. C'était la conversation scientifique par Étienne Klein avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique aujourd'hui Marie-Claire Oumabadi et à la réalisation Annabelle Brouard, que je remercie.